Combien de mois ont passé depuis notre amour de l'été dernier? Déjà toute une année. J'attendais chaque matin un mot pour apaiser mon chagrin. J'ai attendu en vain. Je t'aimais, mais toi tu m'as si bien oublié. Tu m'as fait croire en l'amour, et moi j'y ai cru jour après jour. J'en ai eu le cœur lourd. Méfie-toi, ton tour viendra, et sans pitié un autre t'oubliera, comme tu l'as fait pour moi. Je t'aimais, mon chemin, je te ferai un signe de la main. Pour moi, tu n'es plus rien. Je t'aimais.